Jérémie chapitre 12. Éternel, quand je contesterai avec toi, tu seras trouvé juste, mais toutefois j'entrerai en contestation avec toi. Pourquoi la voix des méchants a-t-elle prospéré, et pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, et ils ont pris racine, ils s'avancent, et fructifient. Tu es près de leur bouche, mais tu es loin de leurs reins. Mais, ô Éternel, tu m'as connu, tu m'as vu, et tu as sondé quel est mon cœur envers toi. Traîne-les comme des brebis qu'on mène pour être égorgées, et prépare-les pour le jour de la tuerie. Jusqu'à quand la terre mènera-t-elle deuil, et l'herbe de tous les champs séchera-t-elle, à cause de la malice des habitants qui sont en la terre? Les bêtes et les oiseaux ont été consumés par la disette, parce que ces méchants ont dit, on ne verra point notre dernière fin. Si tu as couru avec les gens de pied, et qu'il t'est lassé, comment te mêleras-tu parmi les chevaux? Et si tu t'es cru en sûreté dans une terre de paix, que feras-tu lorsque le Jourdain sera enflé? Certainement tes frères même, et la maison de ton père, ceux-là mêmes ont agi perfidement contre toi, eux-mêmes ont crié après toi à plein gosier. Ne les crois point, quoiqu'ils te parlent aimablement. J'ai abandonné ma maison, j'ai quitté mon héritage, ce que mon âme aimait le plus, je l'ai livré en la main de ses ennemis. Mon héritage m'a été comme un lion dans la forêt, il a jeté son cri contre moi, c'est pourquoi je l'ai en haine. Mon héritage me sera-t-il donc comme l'oiseau peint? Les oiseaux ne sont-ils pas autour de lui? Venez, assemblez-vous, vous, tous les animaux des champs, venez pour le dévorer. Plusieurs pasteurs ont gâté ma vigne, ils ont foulé mon partage, ils ont réduit mon partage désirable en un désert affreux. On l'a ravagé, et lui, tout désolé, a été en deuil devant moi, toute la terre a été ravagée, parce qu'il n'y a personne qui fasse attention. Les destructeurs sont venus sur toutes les hautes places qui sont au désert, car l'épée de l'Éternel dévore depuis un bout du pays jusqu'à l'autre, il n'y a point de paix pour aucune chair. Ils ont semé du froment, et ils moissonneront des épines, ils se sont peinés, et ils n'y profiteront rien, vous serez confus en vos revenus, par l'ardeur de la colère de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel contre tous mes mauvais voisins, qui mettent la main sur l'héritage que j'ai fait hériter à mon peuple d'Israël, voici, je vais les arracher de leur pays, et j'arracherai la maison de Juda du milieu d'eux. Mais il arrivera qu'après les avoir arrachés, j'aurai encore compassion d'eux, et je les ferai retourner chacun à son héritage, et chacun en son quartier. Et il arrivera que s'ils apprennent bien les voies de mon peuple, pour jurer en mon nom, l'Éternel est vivant, ainsi qu'ils ont enseigné à mon peuple à jurer par Baal, ils seront édifiés parmi mon peuple. Mais s'ils n'écoutent point, j'arracherai entièrement une telle nation, et la ferai périr, dit l'Éternel.